H1000 présente. Une carte postale sonore, d'ici, de là-bas, d'ailleurs. Pour le plaisir de vos oreilles, bonne écoute. Une ville, Lučenec, en Slovaquie, à la lisière de sa grande forêt et à l'orée d'un parc public, l'un des parcs les plus beaux de Slovaquie, très arboré, avec sa petite rivière, son lac, ses dimanches, et les gens en profitent pour se promener. Beaucoup d'essence d'arbres différents, mais surtout les Slovaques, ce sont des gens plutôt cool, amoureux de la nature. Et je vous laisse vous balader avec vos oreilles. On est en train de remonter l'une des allées centrales de ce parc. De vous faire balader dans ce parc parce que c'est un peu symbolique de la Slovaquie. C'est beaucoup de forêts, beaucoup de montagnes. C'est un pays vert, sauvage. Et dans ces lieux qui pourraient paraître improbables, il y a des villes, mais surtout des petits villages, des petits hameaux. La Slovaquie, c'est un peu comme le peuple des forêts. Lučenec, 17h. à la force des mollets et à l'écoute de vos ouïes toutes ouvertes, la montagne slovaque surgit. Juste 25 mètres en dessous de la crête qui mène à l'arête sommitale. Marchons ensemble. Petit numéro d'équilibriste, parce que c'est raide. Quelques mètres encore. Et nous voici arrivés sur la crête. Magnifique. Un peu de vent, beaucoup d'espace, et ces traditions pastorales d'élevage que l'on retrouve sur toutes les montagnes du monde. Ici, les moutons et les brebis sont parqués. Gare à l'ours. Et juste à 10 mètres du parc, là, il y a une petite cabane en forme de roulotte où les bergers surveillent leurs troupeaux. Oh, mais c'est magnifique! Super! Hello. Je m'approche. La lumière commence à baisser. Et la vie montagneuse s'écoule. Vite là, là. Ah mon là, là. Les mots sont inutiles. En Slovaquie. Dans le cœur. Des montagnes secrètes, préservées et sauvages. Toujours à la lisière de la ville, mais au plus profond de la forêt. à l'oreiller. Des bois, des sapinières, de la nature. Au-dessus des villes et de toute civilisation s'élève le peuple de la forêt, abrité par les arbres et les montagnes. Peut-être écoute-t-il la folie des hommes. Peut-être vous écoute-t-il marcher ou vous émerveiller. Merveilleux. passer. Sans bruit. Sans laisser de traces. D'une clairière. Protégé par le mystère de la foi. Entendre, sentir, écouter, ressentir la bande son, son du voyage. À la semaine prochaine pour une nouvelle bande son, son sur votre radio.